Fébure, le chef du service économique et social d'Inter, à propos des micro-trottoirs, autrement dit des gens de la rue à qui on donne à chaud la parole. J'avais cité à ce propos un courriel d'Arnaud qui me disait en avoir marre des micro-trottoirs sans aucune valeur journalistique. Arnaud n'a pas été convaincu par nos points de vue échangés la semaine dernière. Il reproche à Inter, par exemple, le fameux jour, vous savez, de la fermeture de la gare Saint-Lazare, d'avoir surtout donné la parole aux usagers en colère sans vraiment expliquer les motifs de la grève. Même déception, Pascal, exprimée par un autre auditeur, il s'appelle Philippe. Philippe n'a pas été convaincu non plus par ces explications, celles de Philippe Lefébure. Il aurait aimé entendre notamment le point de vue de journalistes grévistes. Et puis je terminerai avec Anne-Laure, pas la même Anne-Laure que tout à l'heure. Elle révèle les jours de grève de débat sur l'antenne consacrée à l'événement lui-même. Alors seulement voilà, même si régulièrement ici et ailleurs on évoque des façons nouvelles de marquer une grève, eh bien les modalités finalement restent les mêmes. Quand il y a grève, autrement dit, ce n'est pas l'antenne habituelle, c'est la règle, en tout cas jusqu'à présent. Pascal Delannoy, merci, rendez-vous samedi prochain, même lieu, même heure, et à propos d'heure, il est temps de se quitter, mais c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, je vous souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup Philippe Habitboul et bon appétit. Tout de suite, les prévisions de Jacques Kessler de Météo France. La météo avec netentreprise.fr, site officiel de vos déclarations sociales. Les chutes de neige ce matin sur la Normandie se sont décalées vers la baie de la Somme, l'Île-de-France, la Sologne, évolution vers la pluie avec une très légère remontée des températures. Le temps maussade s'attarde dans l'est, de la frontière allemande à la Bourgogne, le Lyonnais neige à 300 mètres, neige aussi sur les Pyrénées et aux alentours à 200 mètres, quelques pluies orageuses de la Provence à la Corse, les éclaircies sont dans l'ouest, de la Bretagne à la Gironde, quelques averses néanmoins possibles. Baisse des températures par rapport à hier, une baisse importante à Paris, 4 degrés cet après-midi au lieu de 11, à Marseille, 10 degrés au lieu de 15. Demain, une amélioration dans le ciel, pas partout, mais dans l'ensemble, ce sera un temps plus sec, notamment du nord au bassin parisien, le centre et du massif central au golfe du Lion, le Mistral soufflera fort. Quelques petites pluies près de l'océan, surtout vers le Pays Basque. Des orages en Corse, des flocons du Jura au Pays de Savoie. Température matinale en baisse, des gelées de moins 4 dans l'intérieur de la Normandie, moins 3 dans le Val-de-Loire. À noter enfin pour la nuit de lundi à mardi, des vents violents dans l'ouest, jusqu'à 130 km à l'heure du Finistère à la Vendée. Il est 13h20. C'est une minute, nous retrouvons maintenant Rendez-vous avec X de Patrick Pénaud. Aujourd'hui, cap sur la Bolivie. C'est le pays des Indiens, c'est-à-dire le pays où les Indiens d'Amérique, comme Christophe Colomb les a nommés à tort, sont proportionnellement les plus nombreux. La Bolivie. Le pays où presque 200 coups d'État, mais où depuis 2005, c'est un authentique Indien qui est aux commandes. Ou plutôt, car le mot Indien est péjoratif dans les pays andins, un indigène, Evo Morales. Le premier élu indigène depuis l'indépendance acquise en 1825 et un ardent représentant de tous ces dirigeants d'Amérique latine qui rejettent désormais de plus en plus la tutelle traditionnelle de l'encombrant grand voisin du Nord, les États-Unis. Une conquête du pouvoir encore fragile dans l'un des pays les plus pauvres du continent, où les inégalités sont criantes, où l'oligarchie économique blanche n'a toujours pas accepté de se voir dépossédée, et où la lutte contre la drogue sert trop souvent de prétexte aux Américains pour reprendre pied dans le pays. Et avant d'écouter Monsieur X, il faut aussi rappeler, au moment où Cuba célèbre le 50e anniversaire de la révolution castriste, que c'est en Bolivie que le Che a été capturé et assassiné, et que le bourreau de Jean Moulin, Klaus Barbie, y a longtemps trouvé refuge, et même accédé à de hautes fonctions grâce à la complicité des services nord-américains. Desde que yo te conocí, mi dulce miel. yo te conocí, mi dulce bien. Quiero tu beso con frenesí, cariño mío, dime que sí. Evo Morales, le président bolivien, est un des cauchemars de Jorge Bush. Était. Oui, oui. Bon. Et puis avec Hugo Chavez quand même. Vous avez raison. Et on verra bientôt si l'entrée en fonction de Barack Obama modifie réellement les rapports de l'administration états-unienne avec l'Amérique du Sud et pourrait effacer des décennies de méfiance. Et de politique du gros bâton. Hein. Certes. Et pourtant, la situation a déjà largement évolué. Je ne vais pas vous dresser un catalogue, mais à l'exception notable de la Colombie, les États d'Amérique latine ont pris leur distance avec Washington. Un virage à gauche qui s'est parfois mué en franche hostilité. Et les récentes manœuvres militaires combinées entre le Venezuela et la Russie viennent de prouver que la fameuse doctrine Monroe a du plomb dans l'air. Une doctrine qui, il faut le rappeler, visait à interdire toute intervention européenne sur le continent américain. L'Amérique tout entière devenant le précaré exclusif de Washington. Oui. Alors, après ce préambule, venons-en à la Bolivie qui nous occupe aujourd'hui. Un État dont un auteur nord-américain disait déjà il y a plus d'un demi-siècle... La Bolivie n'est pas un pays, c'est un problème. Bon, d'accord, c'est joli. Alors un petit brin d'histoire peut-être. Bon, je préférerais plutôt commencer par la géographie, si vous permettez. Mais tout est lié, hein, car la Bolivie entre dans l'histoire des temps modernes à cause de ses richesses naturelles. Essentiellement après la chute de l'Empire Inca et la conquête espagnole, en raison des fabuleuses mines d'argent de Potosí, d'où les colonisateurs vont extraire des milliers de tonnes de minerais. C'est même à cause de cette incroyable richesse que naît l'expression « c'est le Pérou ». On parle de la Bolivie, là. Oui, oui, mais d'accord, pour les Espagnols. Jusqu'à l'indépendance, la Bolivie est alors appelée le « Haut Pérou ». Et ça dit bien ce que ça veut dire. Le territoire actuel de la Bolivie, c'est d'abord la cordillère des Andes. Et derrière se trouve une vaste plaine qui s'étend jusqu'au bassin de l'Amazonie. Une zone très fertile qui regorge aussi de nombreuses ressources, à commencer par le gaz. Ça, on en parlera peut-être. Il existe donc deux Bolivies. Et deux territoires inégalement dotés. La zone montagneuse est fatalement la plus pauvre, et beaucoup d'habitants indigènes qui y vivent ont fini par rejoindre les bidonvilles des grandes agglomérations. Alors, l'évolution politique du pays maintenant ? L'indépendance est acquise en 1825. Et très vite, on assiste à des guerres civiles et à des coups d'État incessants. Ouais, des golpes, comme on dit en espagnol. Il y en aura en moyenne à peu près un par an jusqu'à aujourd'hui. Autant d'événements qui fragilisent le pays et permettent à ses voisins de grignoter son territoire. La Bolivie, qui est aujourd'hui deux fois grande comme la France, a ainsi perdu au fil des ans la moitié de sa superficie. Bon, je n'entre pas dans le détail, mais successivement, à la faveur de guerres souvent meurtrières, le Brésil et le Paraguay lui ont arraché des morceaux de territoire. Cependant, c'est surtout l'affrontement avec le Chili au cours de la guerre du Pacifique à la fin du 19e siècle qui a laissé les plus mauvais souvenirs, car la Bolivie y a perdu son accès à la mer. Et sa zone littorale. Ça signifie que désormais le pays est enclavé. Et cette perte est encore un drame national pour beaucoup de Boliviens. L'un des nombreux dictateurs du pays, le général Banzer, a ainsi lancé ce slogan au début des années 1960. La mer nous appartient de droit. La récupérer est un devoir. C'est presque une menace de guerre, ça. Quand même pas, mais le sentiment de frustration demeure chez beaucoup de Boliviens qui estiment avoir été volés par leurs voisins chiliens. Combien d'habitants, en fait ? 9 millions. Et donc une densité démographique très faible. Exactement, une population par conséquent relativement disséminée qui est composée à plus de 60% d'indigènes, comme ils aiment à s'appeler eux-mêmes. Ouais, c'est-à-dire les peuples premiers. C'est ça, ceux qui vivaient là avant les conquistadors et les colons espagnols. Et ces Indiens sont à peu près répartis en trois peuples qui correspondent chacun à une zone géographique particulière. Ainsi, les Aymaras sont installés dans la cordillère, tandis que les Quechua vivent sur l'altiplano. Les hauts plateaux. Et les Guaranis se trouvent dans les vallées tropicales de l'est du pays. Et tous ces gens-là ensemble sont donc indiens, hein, sont donc largement majoritaires en Bolivie. La Bolivie qui est, si je puis me permettre, le pays le plus indien de toute l'Amérique du Sud. Et pourtant, mais je vais largement développer, ces populations autochtones n'ont jamais disposer du pouvoir politique. Enfin, jusqu'à l'élection de Morales à la présidence. Et c'est pourquoi cette élection a déclenché une telle ferveur chez les Indiens. Et pas seulement ceux de Bolivie. À fond, c'est un peu... Grossièrement, c'est la revanche des Incas. Bon, n'exagérons pas, mais il y a eu un réel sentiment de fierté chez ces Indiens qui, et ce n'est pas un hasard, sont aussi les citoyens les plus pauvres du pays. Et les autres, alors? Ah ben, ce sont des Blancs et des Métis. Et sont généralement répartis dans les grandes villes et les provinces de l'Est. L'Oriente, qui est, comme je vous l'ai dit, la partie la plus riche de la Bolivie. Un dernier chiffre, qui ne vous étonnera pas, plus de 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et grosso modo, ça correspond au pourcentage de la population indienne. Ah, c'est ce que je voulais dire, ouais. Dans ce pays très pauvre, il existe donc de considérables disparités sociales. Énorme, oui. Selon des chiffres récents, 10% de riches accaparent un bon tiers des revenus. Autre chiffre significatif, les 100 familles les plus riches du pays possèdent à elles seules 25 millions d'hectares de terres fertiles. Forcément, l'un des sujets les plus brûlants dans la Bolivie d'aujourd'hui, c'est la réforme agraire. Alors, après ce rapide panorama de la situation actuelle du pays, voyons rapidement son histoire récente. Bon, je ne vais pas évoquer la litanie des coups d'État et des dictatures militaires qui en découlent. Ce serait trop fastidieux. Un mot tout de même sur le nom du pays. Il s'agit bien sûr d'une référence à Bolivar. Bolivar, le libérateur de l'Amérique du Sud, qui a même été désigné symboliquement comme le président du nouvel État indépendant. Ah oui. Alors, par où voulez-vous commencer, là? Bah, par la guerre de Chaco, parce que ça a été un élément fondateur. À quelle époque, là? Dans les années 30. 1930, bien sûr. Le Paraguay dispute alors à la Bolivie une vaste plaine, le Chaco. Le conflit excessivement violent dure 3 ans et provoque la mort d'une centaine de milliers d'hommes. Oui, une guerre impressionnante. Et la Bolivie finit par être vaincue. Bah, une nouvelle fois, oui. Et cette défaite qui se traduit par l'amputation de 120 000 km² de territoire bolivien provoque un véritable choc dans l'opinion et la naissance d'un fort sentiment nationaliste. Avec quelles conséquences? De jeunes intellectuels sont alors à l'origine de la création d'un nouveau parti politique, le MNR, Mouvement National Révolutionnaire. Et où se situe ce parti, là, sur l'échiquier politique? Bah, c'est d'abord un parti protestataire qui ressemble un peu au péronisme argentin. Et comme dans le péronisme, on y trouve incontestablement des accents fascistes, ce dont ses leaders se défendront toujours. Mmh. Et votre avis? Les dirigeants du MNR ont nourri de vraies sympathies pour les puissances de l'Axe. Mais ils les renieront lorsque la Seconde Guerre mondiale tournera en faveur des Alliés. Ah, voyons, Et ensuite, le MNR sera associé à d'authentiques revendications populaires qu'on pourrait classer à gauche. Ainsi, il va soutenir des révoltes de mineurs qui seront durement réprimées par le pouvoir. La troupe est envoyée dans les mines d'étain et perpétue de véritables massacres parmi les travailleurs qui protestent contre l'exploitation scandaleuse dont ils sont les victimes. Patiño, ça vous dit quelque chose? Oui, le baron de l'étain, comme on l'a appelé. Hein. C'est exact. Patiño, soutenu par les États-Unis, a construit une colossale fortune grâce aux mines d'étain où ses ouvriers étaient traités comme des esclaves. Un seul chiffre vous en convaincra. Les mineurs avaient une espérance de vie de tout juste 30 ans. Enfin, quoi qu'il en soit, la lutte des mineurs et le fait que de plus en plus de Boliviens se rendent compte que les richesses naturelles de leur pays sont pillées par les multinationales étrangères finit par aboutir en 1951 à une victoire électorale du MNR. Le MNR, alors il faut, rappelons-le, c'est le Mouvement National Révolutionnaire. C'est ça, oui, qui est devenu un véritable parti populaire. Mais ce succès est de courte durée. L'armée ne tarde pas à renverser le nouveau gouvernement. Ah, c'est la dictature qui revient? Ah oui, mais pour peu de temps. Un an plus tard, en 1952, date capitale dans l'histoire de la Bolivie, c'est au tour du MNR de susciter un soulèvement armé. Avec quelles troupes? Des milices de mineurs et de paysans. Et notez-le bien, le MNR dominera dorénavant la vie politique bolivienne pendant au moins un demi-siècle, et malgré les nombreux changements de régime. Rendez-vous avec X. Des précisions sur cette révolution de 1952. Je les ai trouvées dans l'ouvrage d'un journaliste spécialiste de l'Amérique du Sud, Christian Rudel. Après 3 jours de combat à La Paz, et officiellement 600 morts, l'armée fut vaincue par le peuple, les milices paysannes et les mineurs qui avaient marché sur la capitale et à qui les portes des arsenaux et des magasins militaires avaient été ouvertes. L'armée fut quasiment dissoute. Le nouveau pouvoir réduisit ses effectifs au strict minimum, ferma l'école militaire et limogea 500 officiers. Les milices, mieux armées que ce qui restait de l'armée et de la police, se chargèrent du maintien de l'ordre. Plus tard, l'armée renaîtra avec quelques 10 000 hommes, mais liés au pouvoir et au parti. Ce n'était pas seulement l'armée qui fut écrasée le 9 avril 1952, mais surtout le pouvoir oligarchique traditionnel des propriétaires de mines et des grands latifundistes, dont l'armée était le bouclier et la force de frappe depuis plus d'un siècle. Le peuple marginalisé, méprisé, oublié des indigènes, des paysans, des mineurs et des petits métis, avait surgi tel une éruption volcanique, un peuple en armes qui entendait participer au pouvoir. Le livre de Rudel sur la Bolivie a été publié en 2006 par Cartala. L'une des premières mesures adoptées par le gouvernement populaire issu de cette révolution de 1952 a été d'instaurer le suffrage universel. Oui, parce qu'il n'existait pas encore en Bolivie. Ah, c'est la stricte vérité. Pour voter, il fallait disposer d'un certain revenu et savoir lire et écrire. Autant dire que ce système censitaire, excluant les pauvres et les analphabètes, était surtout destiné à sauvegarder le pouvoir des blancs et des métis fortunés. Quelques dizaines de milliers de citoyens à part entière. Le suffrage universel représentait donc un progrès démocratique substantiel. Hein. Et il s'est trouvé des gens parmi les nouveaux dirigeants pour estimer que l'octroi de ce droit supplémentaire suffirait à apaiser les masses populaires. Mais j'imagine que les ouvriers et les paysans voulaient plus. Exactement. Alors ce gouvernement, dirigé par un parti qui n'avait bien souvent de révolutionnaire que le nom, a quand même été obligé de respecter un certain nombre de promesses qu'il avait faites. Et il a conduit des réformes importantes. Par exemple ? La mesure phare, c'est la nationalisation des mines et la création d'une société d'exploitation nationale. Mais il y a eu aussi une réforme agraire, ambitieuse, d'ailleurs anticipée par des milices paysannes armées qui occupent les terres des grands propriétaires et parfois même assassinent ces derniers. Ouais. Ce sont quand même des réformes d'aspiration socialiste. En effet. Et comme vous pouvez le penser, à Washington, on a commencé par grincer des dents. Mais il faut le noter tout de suite, ces réformes n'ont pas été menées jusqu'au bout et la nationalisation des mines a surtout contribué à enrichir les anciens propriétaires qui ont bénéficié d'énormes indemnisations, ce qui par contre-coup a ruiné l'économie bolivienne. Il en est résulté une grave crise économique qui a permis aux États-Unis de reprendre la main. Ah oui, c'est-à-dire ? Le président Eisenhower n'a pas lésiné sur les aides accordées à la misérable Bolivie. Et peu à peu, le pays est devenu l'un des alliés les plus sûrs de Washington dans le sous-continent. C'est d'autant plus important pour les Américains que d'autres pays, enfin je pense en particulier au Guatemala, essayaient de se soustraire à l'influence nord-américaine. Et il en coûtera très cher au colonel Arbenz, président de ce pays. Alors, si je vous ai bien compris, la Bolivie, là, bascule dans le camp américain. Oui, ça correspond aussi à un durcissement du régime qui n'hésite pas à envoyer la troupe lorsque les mineurs élèvent la voix. Comme autrefois, alors, nationalisation ou pas ? En même temps, la découverte de gisements de pétrole se traduit par une mainmise des compagnies nord-américaines sur ces nouvelles ressources. Autre aspect particulièrement pervers. Ce sont aussi les États-Unis qui se chargent de former les cadres de l'armée. Il s'agit de la fameuse école des Amériques, située à Panama, entre autres, qui va instruire des fournées de futurs dictateurs sud-américains. Exactement, sans compter qu'on y apprendra aussi, avec quelques spécialistes comme le général Osares, les meilleures façons de torturer, enfin quoi qu'il en soit. C'est donc grâce à Washington que la petite armée bolivienne va reprendre des forces et sera même suffisamment puissante pour donner le pion au non moins puissant syndicat des mineurs. La Bolivie opère donc un sérieux virage à droite. Et ce qui doit arriver finit par arriver. Tandis que le MNR liquide son aile gauche, les militaires s'emparent du pouvoir en 1964. ils y resteront presque deux décennies. Avec des fortunes diverses, d'ailleurs, car ces généraux se combattront parfois. Entre eux, oui. Entre eux, oui. Il y aura donc des putsch et des contre-putsch. Alors, inutile de dresser la liste de tous ces généraux présidents qui, point commun, ont presque tous gouverné avec la même brutalité. Retenons quand même un premier nom. Barrientos. C'est sous son règne que les troupes spéciales américaines et boliviennes traqueront et finiront par abattre Che Guevara. Auparavant, l'armée s'était livrée à un véritable massacre dans une mine dont les ouvriers réclamaient des augmentations de salaire. Et il y aura des dizaines de morts. Et Barrientos, si je me souviens bien, périra, lui, dans un accident d'hélicoptère. En 1969, oui. Et ça permettra d'alimenter bien des rumeurs. Oui. Une parenthèse quand même. Au milieu de cette litanie de généraux putschistes payés et manipulés par la CIA, celle de Juan José Torres. Un général, lui aussi. Hein? Oui, mais un général de gauche qui renationalise, s'attaque aux intérêts de quelques grandes compagnies nord-américaines et expulse même des citoyens états-uniens du Peace Corps qui l'accusent de mener une campagne de stérilisation des femmes indiennes. Et le Peace Corps, là, c'est une organisation états-unienne indépendante hein, qui envoie des volontaires un peu partout dans le monde. Oui, pour y accomplir des actions humanitaires. Mais il est arrivé que cette organisation philanthropique serve parfois de faux-nez à des actions directement inspirées par la CIA. Mmh. Et alors, revenons à ce que vous disiez, là, cette accusation de stérilisation des femmes indiennes, c'est vraisemblable ? Malheureusement, oui. Et on en reparlera sous la dictature de l'homme qui va renverser Torres, le colonel Banzer. Torres n'est donc pas resté très longtemps au pouvoir. Un peu plus d'un an, si ma mémoire est bonne. Mais il ne pouvait pas en être autrement. Songez qu'il voulait resserrer les liens de son pays avec le Chili de Salvador Allende et même Cuba. En outre, il avait accepté une importante aide financière de l'URSS. Ouais, ça, c'est plus que ne pouvaient supporter les États-Unis. Bah, bien entendu. Il faut ajouter que ce général de gauche a sans doute été victime de sa naïveté. C'est-à-dire ? Militaire, il a fait confiance aux militaires. Et n'a pas voulu s'appuyer sur les forces populaires qu'il s'est toujours refusé à armer. Mais l'aurait-il pu ? Sans doute pas, car une telle décision n'aurait fait que précipiter le putsch du colonel Banzer. Alors, justement, arrêtons-nous sur l'ère Banzer. C'est le militaire qui restera le plus longtemps au pouvoir en Bolivie, et qui, beaucoup plus tard, réussira même l'exploit d'y revenir. Enfin, légalement, cette fois-ci. À la suite d'une élection. Oui, oui, mais enfin, nous en reparlons. L'ère Banzer commence donc en 1971. Même si sa dictature n'a pas été forcément la plus sanglante, elle a pourtant profondément marqué l'histoire du pays et plus largement celle de l'Amérique du Sud. Expliquez-le. Alors, pêle-mêle, voici. C'est la dictature qui engage la Bolivie dans le sinistre plan Condor. C'est aussi le régime qui va s'acoquiner avec un certain Klaus Barbie et qui développe le narcotrafic sur une grande échelle. Et c'est également, et c'est mal connu, un gouvernement qui engage une considérable tentative de blanchissement. Enfin, je vais revenir point par point sur tous ces aspects criminels. Attendez, j'ai pas compris là. Quand vous parlez de tentative de blanchissement... Ah non, il ne s'agit pas d'argent sale, ah bon, mais de couleur de peau. Je comprends toujours pas. Pour les gens au pouvoir, mais aussi pour l'oligarchie financière qui fait la loi en Bolivie par l'intermédiaire des militaires, il y a beaucoup trop d'Indiens dans ce pays. Et pas assez de blancs. Mm-hmm. D'où ces expériences de stérilisation des femmes indigènes. Des pratiques qui vont se poursuivre sous Banzer et les généraux qui lui succéderont. Toujours avec l'aide d'organisations nord-américaines. Il sera même envisagé de stériliser 35 000 femmes par an. Un plan qui sera vivement critiqué par la conférence épiscopale bolivienne. Mais il s'agit là d'un vrai crime contre l'humanité. Bien évidemment. Les nazis n'ont pas agi autrement avec certaines populations. En réalité, l'objectif est d'éliminer ce que les généraux appellent crûment l'ennemi intérieur. C'est-à-dire l'Indien ? Mais la dictature bolivienne va aller encore plus loin dans cette tentative de blanchissement de la population bolivienne. Un plan véritablement dément qu'il n'aurait pas désavoué Hitler. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La CIA, via son représentant en Bolivie, le major Lundin, a puissamment aidé le colonel Banzer lors de son coup d'état de 1971 qui a abouti à renverser le général Torres, accusé de trop pencher à gauche. Dans l'ouvrage « Les guerres scélérates », William Bloom tire le bilan de ce 187e putsch qu'est connu la Bolivie depuis son indépendance. Au final, nous constatons que la coalition politico-militaire qui s'empara du pouvoir était tellement de droite que l'un des partis qui la constituait s'appelait la Falange et que Banzer annonça immédiatement que son gouvernement maintiendrait des relations étroites avec les États-Unis, que les efforts pour renouer avec Cuba et le Chili seraient abandonnés, que les nationalisations seraient arrêtées, certaines des nationalisations déjà effectuées seraient annulées. Le gouvernement accueillerait favorablement les investissements étrangers privés et toutes les écoles seraient fermées pendant au moins 4 mois, car elles étaient des foyers d'agitation politique subversive provoquée par des anarchistes opposés au nouvel ordre institutionnel. Peu de temps après, le gouvernement demanda à la totalité du personnel de l'ambassade du RSS de quitter le pays. Et Banzer émit un emprunt à l'étranger afin de verser à la Gulf Oil des compensations plus élevées que prévues initialement lors de sa nationalisation. En même temps, s'instaurait le règne de la terreur. Au cours des 2 premières années du nouveau régime, plus de 2000 personnes furent arrêtées pour raisons politiques sans qu'il n'y ait de procès. Toutes les lois fondamentales de protection des droits de l'homme furent régulièrement violées. La torture fut communément employée lors des interrogatoires. Les prisonniers battus, violés et suspendus pendant des heures, les mains attachées derrière le dos. Alors quel est ce projet dément, pour reprendre votre expression? Un projet, il faut tout de suite le dire, qui est longtemps resté secret et n'a été révélé qu'en 1977. C'est-à-dire 6 ans après le putsch de Banzer. Au départ, il y a donc la volonté tout à fait raciste de blanchir la Bolivie. C'est-à-dire de modifier la composition démographique du pays trop favorable aux indigènes. D'où l'idée de procéder à une colonisation de peuplement. C'est-à-dire en faisant venir des Blancs. Et seulement des Blancs. En même temps, le régime militaire bolivien observe que dans plusieurs pays d'Afrique australe, Rhodésie du Sud, Namibie, Afrique du Sud, les colons blancs auront de plus en plus de difficultés à conserver leurs privilèges et à assurer leur pouvoir sur des populations noires considérablement plus nombreuses. Alors, si j'ai bien compris, hein, on va donc proposer à ces Blancs de venir s'installer en Bolivie? La Bolivie qui ne compte alors que 5 millions d'habitants. Pour un territoire, avez-vous dit, qui est 2 fois grand comme la France. Et cela malgré les pertes territoriales subies au cours des 19e et début du 20e siècle. Il existe donc en Bolivie des zones immenses, quasi désertes, qui pourraient accueillir de nouveaux colons. Des zones qui sont par ailleurs très fertiles. Et puis, s'il s'y trouve quelques Indiens, on pourra les expulser facilement. C'est implicite. Et dans l'esprit de ses promoteurs, cette nouvelle colonisation aura un intérêt politique évident. Pourquoi? Parce que ces colons blancs vivant en Afrique seront tôt ou tard virés par les Noirs. Et ils n'ont pas la réputation d'être particulièrement progressistes. Bien au contraire, ce sont les thuriféraires du régime d'apartheid. Ouais. Donc, double avantage pour les militaires boliviens qui penchent aussi nettement à droite, à l'extrême droite. Parfois même à l'extrême droite, oui. Il faut aussi souligner qu'il existait déjà en Bolivie un terreau raciste particulièrement bien développé. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays, encore plus que d'autres États de l'Amérique du Sud, avait recueilli de nombreux anciens nazis. Voire Barbie. Hein. Et même un gros noyau de Croates qui avaient combattu aux côtés des troupes hitlériennes. Les Oustachis, ouais. C'est cela, oui. Et ce n'est certainement pas un hasard si c'est un membre présumé de cette communauté, Guido Strauss-Ivanovitch, sous-secrétaire d'État à l'immigration, qui était l'un des plus zélés partisans du projet de blanchissement. Mais est-ce que ce plan aboutit? Pas dans les proportions voulues par ses promoteurs, car le pouvoir bolivien avait l'intention de faire venir 150 000 blancs, autant de citoyens entreprenants et capables qui, à la différence des Indiens, sauraient mettre en valeur le pays. Oui, forcément, les Indiens, race inférieure. Hein. Certains dirigeants boliviens ne se sont pas privés de le programmer et même de l'écrire. Mais je reviens à ce projet qui devait faire de la Bolivie une terre promise pour les blancs. Ce qui étonne beaucoup plus, c'est c'est que cette opération, dont le caractère raciste est indéniable, a reçu le soutien de quelques grandes institutions internationales et même de gouvernements occidentaux, dont ceux des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne de l'Ouest, mais aussi de la France. Pourquoi la France hein? Les dirigeants de l'époque. Dirigeants de droite, on veut dire. Bien sûr. Alors, ces hommes politiques ont peut-être estimé qu'il y avait là une occasion de manifester une solidarité avec des populations d'origine européenne menacées d'être chassées. Car il y avait aussi des Portugais qui devaient quitter l'Angola à l'heure de l'indépendance de cette colonie. Et certains dirigeants boliviens ont d'ailleurs estimé qu'on aurait dû penser à une telle solution lors de l'exode des pieds-noirs algériens. Un peu tard, non? Certainement. Mais ça a peut-être incité les Français à s'intéresser à ce projet. Un sentiment de quoi? De culpabilité? Pourquoi pas, mais ce sont les Allemands qui sont allés plus loin. Ils ont mis 150 millions de dollars sur la table pour permettre à leurs compatriotes installés en Namibie de rejoindre la Bolivie. Et les organisations internationales dont vous parlez, là? Il y en a eu essentiellement deux. D'abord, le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes, acronyme CIM, une organisation internationale basée à Genève. Comme l'ONU. Hein. Et d'autres grandes organisations, oui. La CIM a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour venir en aide à toutes les personnes déplacées, justement à cause du conflit. Et aujourd'hui, devenue l'Organisation internationale pour les migrations, elle a étendu ses prérogatives et s'occupe désormais de venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles ou de guerres civiles. Ouais, mais plus étonnante est son immixtion dans cette affaire bolivienne où, si je vous ai bien compris, il s'agit d'abord de blanchir la Bolivie. Et sans tenir compte de la présence et des intérêts des populations autochtones dans les immenses territoires que le gouvernement de La Paz entend attribuer aux nouveaux colons. D'ailleurs, pour être tout à fait exact, il est aussi prévu que ces migrations post-coloniales s'effectuent dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Mais il est vrai que c'est en Bolivie que le projet est le plus spectaculaire. La première zone de colonisation s'étend en effet sur 800 000 hectares et on compte y construire de nombreux équipements et même deux villes nouvelles. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi cette honorable organisation internationale a-t-elle accepté d'être mêlée à ce projet, peut-être même de le mener à terme? Je crois, au risque d'être encore accusé d'anti-américanisme primaire, que Washington a dû peser de tout son poids dans cette affaire. La preuve, c'est que la BID, c'est-à-dire la Banque Interaméricaine de Développement, une institution dominée par les États-Unis, s'est complètement impliquée dans ce projet. Quoi, en proposant de participer au financement? Naturellement. Et pour bien comprendre, il faut se référer au contexte de l'époque. Dans ces années 70, on est encore en pleine guerre froide. Même si après la crise des fusées de Cuba, on est entré dans ce qu'on a appelé la coexistence pacifique. Washington a déjà réglé, à sa façon, la question chilienne, en aidant à la destitution de Salvador Allende et à son remplacement par Augusto Pinochet. Mais c'est tout ce qu'on appelle le cône sud qu'il faut préserver de l'influence communiste. Ouais. Tout le sud de l'Amérique. Mmh. Et ce sera l'objectif poursuivi par le tristement célèbre plan Condor. C'est-à-dire, appelons-le, une mise en commun des moyens antisubversifs de toutes les dictatures militaires de ce cône sud du continent. C'est-à-dire Argentine, Chili, Brésil, Uruguay, Paraguay. Et donc Bolivie. Une alliance policière qui est bien sûr supervisée par les services secrets nord-américains. Ça permet donc de frapper les opposants là où ils ont trouvé refuge dans les pays voisins. Ce général président de gauche dont je vous ai parlé, Torres, hein. Eh bien, il sera assassiné en Argentine où il avait fui la dictature de Banzer. Et je crois me rappeler, car nous avons déjà longuement parlé du plan Condor, que les tueurs sud-américains ont même traversé l'Atlantique pour traquer et tuer des éléments jugés subversifs. C'est parfaitement exact, oui. En France, par exemple, où en 76, l'ancien chef des forces armées boliviennes est assassiné à Paris. Alors maintenant, vous pouvez comprendre que ce projet de blanchissement de la Bolivie obéissait à la volonté d'édifier dans ce pays un pouvoir blanc résolument anticommuniste. Oui, édifié en particulier grâce à des colons venus tout droit du pays de l'apartheid. Et dans un état où il existait déjà un fort contingent d'extrémistes de droite comme les anciens nazis ou Stasi. Dans ces conditions, vous ne serez pas étonné d'apprendre que Klaus Barbie a sans doute joué un rôle dans cette affaire. Barbie, qui sous son nom d'emprunt, Altman, occupait des fonctions officielles sous la dictature bolivienne. Il avait même un grade de colonel. Et il a mis ses talons de policier, si j'ose dire, au service des militaires boliviens. Tout en se livrant également à des activités beaucoup plus lucratives. Et le trafic de drogue en particulier. Mais ça a été aussi le cas de la plupart des généraux et de leur chef, Hugo Banzer. On en reparlera, si vous le voulez bien, dans un prochain entretien. En tout cas, selon des témoins dignes de foi, Barbie Altman aurait été l'un des promoteurs du projet d'installation de colons blancs en Bolivie. Mais ce projet a-t-il vu un début d'application ? Bien évidemment. Pourtant, il a rapidement été abandonné. Pourquoi, non ? Ben d'abord, il a fini par être rendu public. Le secret ne pouvait pas être gardé très longtemps, étant donné le nombre de services et d'organisations impliquées. Et puis, le gouvernement bolivien, pour recruter des candidats à l'immigration, a dû finir par se livrer à une véritable opération de communication pour vanter son programme. Mais si le projet a fini par capoter, c'est surtout dû à l'opposition résolue de la Confédération syndicale des travailleurs agricoles boliviens. Mais il me faut aussi mentionner l'action d'un homme seul. Un journaliste courageux, le Britannique Norman Lewis, qui était l'un des premiers à soulever le lièvre de ce projet raciste dans l'hebdomadaire The Observer. Samedi prochain, M. X continue à nous entretenir de la Bolivie et de l'accession au pouvoir pour la première fois d'un Indien, Evo Morales. Une citation avant de nous quitter. Le 30 mars 1977, Christian Rudel, auteur par ailleurs de ce livre très complet sur la Bolivie que j'ai déjà cité, peut écrire dans le quotidien La Croix un article qui témoigne de l'hostilité du peuple bolivien contre ce projet de blanchissement de leur pays. Extrait. Ce qui indispose les Boliviens, outre le fait de n'avoir pas été consultés sur cette importante affaire, c'est de voir que tandis qu'on attribue des terres à des étrangers, deux zones sont déjà délimitées dans le Beni et dans la province de Santa Cruz, des paysans pauvres, pour lesquels rien n'a été fait, doivent aller travailler dans les pays voisins. Ils sont environ 1 million dans ce cas. Il y a aussi une autre raison. Celle qu'exprimait le quotidien catholique Presencia dans un éditorial du 2 mars. Nous avons besoin de l'apport de l'immigration, mais il nous semble que c'est plus humain et plus constructif de le recevoir de pays avec lesquels nous avons des affinités que, par exemple, de pays où règnent des principes condamnables. Nous ne devons pas fermer nos frontières aux Chiliens et les ouvrir aux Sud-Africains racistes. La Bolivie a peur qu'une arrivée massive de colons blancs pour lesquels l'apartheid est une longue tradition ne contribue à marginaliser davantage la population indienne. Enfin, il me faut signaler la récente parution d'un livre de souvenirs de Ladislas de Hoyos, ancien producteur de France Inter, Ladislas, qui a été le premier journaliste à débusquer Klaus Barbie en Bolivie à l'occasion d'une célèbre interview télévisée. Son livre, Scoop et Flop, au pluriel, est publié par les éditions Yago. Un samedi prochain donc, et je vous rappelle que sur franceinter.com vous pourrez réécouter cette émission et obtenir des renseignements tant bibliographiques que musicographiques. Merci à ceux qui ont participé à cette émission, Michel Billoux, Rebecca de Nantes, Marine Vlaovic et Monsieur Djoum.